Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones. Vous êtes à l'antenne de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley. Je serai avec vous pour les deux prochaines heures et je rappelle qu'aujourd'hui, c'est la deuxième émission qui est consacrée pour une deuxième semaine consécutive à la rétrospective des moments forts de 2023 avec Agusa de la Suède, Palace d'Angleterre, Hearts of Gentlemen, It's Adequate d'Angleterre, Galahad d'Angleterre, Io Earth d'Angleterre aussi. On aura Giorgio de Norvège, The Chronicles of Father Robin de Norvège. De la Grèce, ce sera Residuos Mentales. Ensuite, ce sera suivi de Amoeba Split d'Espagne. Ensuite, United Progressive Fraternity d'Australie. Et on va conclure avec les Allemands RPVL. Alors, on débute l'émission spéciale d'aujourd'hui avec Agusa de Suède et un extrait de Prima Materia, leur cinquième album depuis leur formation en 2014. Ça sera suivi de Palace, une formation britannique qui existe depuis 1984, avec un catalogue de 8 albums studio, dont Messenger, leur plus récent, duquel j'ai extrait la pièce Sign of Times. Alors on y va tout de suite avec Agusa. Thank you. Écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Un petit rappel pour mentionner qu'avant la pause, on a entendu Palace d'Angleterre et ça a été précédé de Agusa de la Suède. Et je vous rappelle aussi que vous écoutez une émission spéciale de Rock de Neurone qui est consacrée à la rétrospective de ce que 2023 nous a donné de mieux sur la scène du prog mondial. Maintenant, pour ce deuxième segment de l'émission d'aujourd'hui, on va aller et rester en Angleterre avec trois artistes qui se sont démarqués en 2023. On va commencer avec le groupe Hats Off Gentlemen It's Adequate, qui sera suivi de Galahad et avec, en conclusion, I.O. Earth. Thank you.

lucidity which pepper my universe of darkness. Trying to piece together a world that I once knew, embraced and loved. Trying to remember and picture those in my life too. I hope so much that they are the ones who surround me now until I leave for the last time. I don't remember, I don't recall, I got no memory of anything at all, anything at all, at all. Thank you. goodbye. Thank you. êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Durant le bloc précédent, on a entendu Io Earth ainsi que Galahad. Et en début de bloc, on avait Hats Off Gentlemen, It's Adequate. Ça, ce sont tous des artistes qui nous viennent d'Angleterre. On débute le troisième segment de l'émission d'aujourd'hui, qui, je le rappelle, est consacré aux meilleures chansons de 2023, avec le groupe norvégien George Joe, qui ont lancé cette année Saliget. Ça, c'est leur septième disque depuis 2015. Ensuite, on reste en Norvège avec un nouveau groupe du nom de The Chronicles of Father Robin. Ça, c'est un groupe qui, je le rappelle, est formé de musiciens qui nous proviennent de Warbler, de Tusmork, de Giorgio et ainsi que de Samuel Jackson 5. Ça, ils se sont constitués en groupe pour la création d'une trilogie. Les deux premiers volets de la trilogie sont sortis en 2023 et le troisième est prévu au printemps 2024. En conclusion, nous allons entendre Residuos Mentales. Ça, c'est un groupe de la Grèce qui ont lancé un premier opus qui a été très remarqué de la part des amateurs. Et l'album s'intitule A Temporary State of Bliss. Mais auparavant, voici George Joe de Norvège. Bakom skänket molnen flyr, fargen är du. cock your head. Løk, gulrot og kål fra jorda. Alskens instrumenter fra fjerne strøk. Artifakter fra en fremmed tid. Nøtter, bær, sopp og røtter. Fonogrammer med glemte skala. Thank you. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Nous voici rendus au quatrième et dernier bloc de l'émission d'aujourd'hui avec trois artistes d'origine différente qui ont sorti cette année de très bons albums. Il s'agit de Amo Eba Split d'Espagne. On aura ensuite United Progressive Fraternity d'Australie. Et en conclusion, on ira du côté de l'Allemagne avec RPVL. body connection. share in lifetime. No one knows how long. Love never leaves us when we disappear. Don't be afraid of death, there's nothing to fear. Love never leaves us when we disappear. Don't be afraid of death, there's nothing to fear. And Thank you.